Bien. Eh bien, écoutez, je, pas que j'ai envie de vous pousser dehors, mais c'est l'heure d'aller baiser, hein. Bon, ben, sans vouloir à proprement parler faire un bilan, je pense qu'on peut estimer que cette expérience de thérapie de groupe s'avère plutôt bénéfique. Enfin, pour moi, je veux dire. Ben oui, je voudrais pas vous accabler, mais vous n'avez pas joué le jeu en ce qui vous concerne. Non. Non, dans une thérapie de groupe, chacun doit s'exprimer. Alors je suis désolé, mais à part un catareux et deux pétomanes, j'étais pratiquement le seul à m'exprimer et à exposer clairement mes problèmes ce soir. D'autre part, tous les psys vous diront que pour qu'une expérience comme celle-ci soit efficace, il faut que chaque patient participe financièrement à la fin de la séance. Alors je suis désolé, mais vous n'avez participé qu'au début. Enfin, vous faites ce que vous voulez, moi, faut que j'y aille. Bonsoir.